parle comme l'eau des fontaines, comme les matins sur la montagne. Elle a les yeux presque aussi clairs que les murs blancs du fond de l'Espagne. Le bleu nuit de ses rêves m'attire, même si elle connaît les mots qui déchirent. J'ai promis de ne jamais mentir à la fille qui m'accompagne. Au fond de son jeu de miroir, elle a emprisonné mon image. Et même quand je suis loin le soir, elle pose ses mains sur mon visage. J'ai brûlé tous mes vieux souvenirs depuis qu'elle a mon cœur en point de mire. Et je garde mes nouvelles images pour la fille avec qui je voyage. On s'est juré les mots des enfants modèles. On se tiendra toujours loin des tourbillons géants. Elle prendra jamais mon cœur pour un hôtel. Je dirai les mots qu'elle attend. Elle sait les îles auxquelles je pense et l'autre moitié de mes secrets. Je sais qu'une autre nuit s'avance lorsque j'entends glisser ses colliers. Un jour je bâtirai un empire avec tous nos instants de plaisir, pour que plus jamais rien ne m'éloigne de la fille qui m'accompagne. On s'est juré les mots des enfants modèles. On se tiendra toujours loin des tourbillons géants. Je prendrai jamais son cœur pour un hôtel, elle dira les mots que j'attends. Elle sait les îles auxquelles je pense et l'autre moitié de mes délires. Elle sait déjà qu'entre elle et moi, plus il y a d'espace et moins je respire.